Voilà, je suis bien heureuse de lui parler. Il est de retour de vacances. J'espère que ça s'est bien passé. Raymond Poirier est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour Caroline. Ça va bien? Très bien. Bon, hey, tout en forme, retour de vacances dans ton cas. Raymond, on va bien sûr parler de numérique puisque c'est ce qui nous occupe. Mais là, on va parler du beau côté du numérique. Bon, c'est toujours un peu le beau. C'est peut-être l'influence des vacances, en fait, ouais, mais j'avais envie de voir une situation peut-être un peu plus avec des lunettes roses, ouais. Parce qu'on parle beaucoup de véhicules autonomes. Évidemment, il y a des préoccupations par rapport aux changements que ça peut amener, donc notamment sur le plan économique. Bon, on en entend parler, donc l'idée que il y a des systèmes d'emploi, des cadres d'emploi, des types de travail qui pourraient être appelés à disparaître avec l'avènement de ce véhicule-là, que ce soit dans l'industrie du camionnage, que ce soit dans l'industrie de l'autobus, du taxi et le reste. Il y a quand même pas mal de craintes. On sait que certains modèles aussi pour l'instant, mais c'est pas encore finalisé. Il y a toujours des risques d'accidents qui sont présents, qu'on essaie de régler. Bon, mais tout ça, on le sait un peu, mais si ces véhicules-là, les véhicules autonomes, permettaient tranquillement, à travers leur développement, de rendre la ville peut-être un peu plus humaine. Ouais. Donc, je suis tombé sur une réflexion qui étaye un peu ça sur Fast Company. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, c'est rare qu'on envisage ou qu'on expose un peu plus en détail des impacts qui pourraient être potentiellement positifs sur l'aménagement urbain, sur son évolution, à travers les portes que vont ouvrir le véhicule autonome, parce que c'est clair qu'il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Et ce que eux disent, c'est, regardez, il y a déjà des exemples qui sont en place à travers le monde qui démontrent que, oui, ça devrait peut-être prendre cette voie-là et ça prendra possiblement cette voie-là également. Tant qu'à faire, aussi bien aller dans le bon côté des choses. Alors, on parle quand on parle de numérique et de côté, mais on parle principalement de déplacement de voitures. C'est pas mal ce qui nous occupe, là. Oui, en fait, véhicule autonome, évidemment, déplacement, évidemment. Et quel est le principal déplacement qu'on a à faire? C'est de la maison jusqu'au travail. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà des services de carpooling qui sont en train d'être développés, d'être testés, d'être expérimentés dans différentes villes et qui démontrent que ça va peut-être se poursuivre avec le véhicule autonome. Donc, l'idée que s'il n'y a pas nécessairement de trajet de transport en commun qui est à proximité, mais qui peut avoir des services alternatifs qui se développent. Donc, l'idée, par exemple, qu'on peut se mettre à une dizaine pour commander un minibus, qu'on peut être quelques-uns à partir en auto ensemble, arriver à destination, et l'idée qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être propriétaire de l'automobile pour profiter de ce service-là. Parce que c'est peut-être un premier grand impact que va avoir le véhicule autonome, c'est l'accessibilité, donc, à des véhicules pour des déplacements de courte durée, et ça veut dire que, pour le citoyen et la citoyenne, on aura peut-être un peu moins besoin d'avoir un véhicule, donc de profiter de services collectifs Vite comme ça, je dis ça, puis il y a un côté économique à ça aussi. Ben oui. Là, un véhicule, c'est jamais un investissement. Là. On sait, ça coûte cher. Et ça veut dire que si on enlève plein de stationnements parce qu'il y aura moins de besoin de stationnement, il y a peut-être plutôt des zones d'embarquement et débarquement qui vont être intégrées, des stationnements qui pourraient être retirés, remplacés par des aménagements verts, par des aménagements urbains divers. Et donc, on repenserait peut-être un peu la manière de se déplacer en groupe et même, en fait, la manière de faire communauté ensemble, communauté à part locale, dans la mesure où les gens d'un même bloc ou d'un même coin qui travaillent dans un même secteur plus large mais pourront trouver avantage à profiter de ce type de service-là. Et il n'y aura personne, de toute façon, qui va être responsable de conduire tout le monde, puisque ça va être le véhicule autonome qui va s'en charger. Moi, j'ai envie de ça. Tu me fais rêver, là, t'en parles, puis j'ai des frisson de bonheur qui me parcourt le corps. Puis ça va devenir ces lieux-là des lieux de rencontre. On n'a plus besoin de Facebook, là, on va s'échanger directement pratiquement. Je parlais de retirer des parkings aussi, c'est quelque chose qui est dans la logique. Mais, des nouveaux développements qui pourraient émerger, des jardins communautaires, des cafés, plein de choses qui pourraient occuper cet espace-là. Donc, que ce soit les petits stationnements sur côté de rue, que ce soit les gros stationnements en tour qu'on voit dans certains secteurs où on se dit, c'est incontournable, il faut que les gens mettent leur auto à quelque part s'ils veulent y venir. Et évidemment, ces nouveaux espaces-là pourraient amener aussi une économie de proximité renforcée. Je suis tombé sur des chiffres de la communauté métropolitaine de Chicago qui a examiné à un moment donné, je pense il y a 2 ans, l'impact économique que pouvait avoir leur parklet. Donc, ce qu'on qu'on pourrait appeler des stationnements pour piétons. Donc, l'idée qu'on met des petites placettes publiques à différents endroits. Et ils ont remarqué que 73% des personnes qui étaient présentes sur dans un après-midi, dans une de ces placettes-là, eh ben seraient restées à la maison s'il n'y avait pas eu l'existence de la placette. Et donc, ça veut dire qu'il y a un impact favorable aussi sur le déplacement. Donc, ça va amener les gens à sortir de chez eux. S'il y a plus d'infrastructures, s'il y a un environnement qui est plus positif, ben les gens vont donc sortir de chez eux, profiter de leur environnement local de manière un peu plus proactive. Hey, on peut supposer aussi une meilleure santé. Là, t'sais, je veux dire, on peut extrapoler ça aussi. On peut même pousser un peu plus loin puis se dire que ça peut aider éventuellement à décroître la consommation, décroître les rebuts, si on peut dire, qui sont engendrés par le transport. Donc, si on a moins d'auto, si on a moins besoin de véhicules, peut-être que, évidemment, déjà au départ, on va réduire aussi les émissions d'essence, les émissions de gaz à effet de serre et le reste qui sont associés à tout ça. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres services qui pourraient bénéficier d'un même acquis. Donc, par exemple, ça existe déjà dans certaines villes, des camions de vidange qui sont semi-automatisés. Donc, ça réduit évidemment la pression sur les travailleurs. C'est quand même pas des métiers qui sont faciles. Parallèlement, ça permet aussi de réduire le nombre de ressources, de rendre peut-être un peu plus agile certains parcours, certains éléments. Ça va être la même chose avec la livraison. Ça l'est déjà un peu. De toute façon, on nous montre plein de vidéos de livraison par drone et le reste. Et on sait qu'il y a d'autres entreprises, un spin-off qui est rattaché au fondateur de Skype qui teste des petits robots qui peuvent aller porter le courrier ou accompagner le facteur à tout le moins, déplacer des petites livraisons de zone en zone. Donc, tranquillement, il y a des pans de notre quotidien qui vont aussi se robotiser. Et donc, ce qui fait que tout va peut-être être un peu plus souple. Et on peut imaginer, peut-être que dans ce contexte-là, il y aura plus de possibilités aussi pour la récupération, pour le recyclage et le reste, qui pourrait être une des conséquences parallèles de cette évolution-là. Ouais. Est-ce qu'on rêve, là, Raymond? Est-ce qu'on est dans le rêve ou dans le concret, là? Quel est l'état des choses? Mais en fait, les exemples que je mentionne de manière précise existent. Folle, là. C'est presque une société utopique. Une société utopique. Je l'ai dit, je mets mes lunettes roses ce matin. C'est le retour des vacances. Ouais, puis il fait beau. Oui. En fait, il y a des exemples que comme je disais, qui existent, qui sont mis en place. Donc ça, c'est des choses qui se font ou qui sont en étude actuellement. Donc, tous les exemples que je mentionne, c'est la même chose aussi si on pense aux infrastructures urbaines qui pourraient être associées à ces changements-là, parce que on éclaire beaucoup, disons, les rues, les artères actuellement. Un éclairage qui, oui, est là pour la sécurité des piétons, des cyclistes et le reste, mais aussi pour permettre aux automobiles de se déplacer à l'intérieur des villes et le reste. Donc, si on se retrouve avec des automobiles qui sont autonomes, eh bien, normalement, les besoins d'éclairage seront pas les mêmes, parce qu'il y aura plus d'humains qui vont conduire les autos. Donc ça veut dire que tout le mobilier urbain qu'on envisage actuellement pourrait lui aussi évoluer. Et encore là, comme pour les autres cas, il y a déjà des tests. De choses, hein? C'est vrai qu'on se rend compte que notre ville est aménagée autour des axes routiers. Et autour de l'automobile. Et autour de l'automobile, à passer par l'éclairage, bien sûr. Ah oui. Et il y a des exemples, évidemment, déjà au départ, là, où on se rend compte que les gens utilisent leur téléphone cellulaire en marchant. Donc, il y a des trottoirs qui sont aménagés où il y a des lignes où on dit aux gens au sol, arrête, continue, parce que les gens ne regardent plus autour, sont ancrés sur leur téléphone par souci d'efficacité ou par quelconque dépendance. Mais bref, ça, c'est des choses qui se mettent en place. Mais parallèlement, il y a d'autres villes, en fait, à Nashville notamment, où ils ont remplacé dans certains secteurs les gros lampadaires très hauts avec des lumières un peu plus à hauteur humaine qui rendent le secteur un peu plus invitant, un peu plus bucolique à la limite, si on me permet le terme. À Las Vegas aussi, il y a eu des tentatives de lumières de rue qui sont énergisées, qui sont, plutôt que d'avoir une grosse batterie en place ou un système comme ça, mais c'est quand les gens marchent sur le trottoir, donc les pas actionnent le mécanisme qui génère l'énergie, qui génère ensuite la lumière. Évidemment, encore là, on parlait d'économie d'énergie, c'en est un autre bel exemple. Si on réussit à réduire l'éclairage urbain, c'est énorme. On pourrait voir les étoiles, étoiles. On va pouvoir voir les étoiles pratiquement. Oui, presque. mais en même temps, en termes d'énergie et de CO2 surtout. Qui sont rattachés au coût électrique. Et en même temps, ben, ça veut dire aussi peut-être une nouvelle culture urbaine qui va accompagner cette mise en place-là. Donc, si on dit des architectures, des infrastructures qui sont plus humaines, mais peut-être qu'aussi au niveau de l'agriculture urbaine, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. On va dire, ben, OK, on a réussi à réduire ça, mais pourquoi pas faire des toits végétaux, essayer d'absorber l'eau de pluie, essayer de mieux gérer, de mieux rentabiliser ces espaces-là, parce que il y aura des portes qui vont avoir été ouvertes et qui vont nous permettre de réaliser que la ville actuellement est pas nécessairement centrée sur l'humain dans son organisation, est pas nécessairement optimisée pour l'humain, laisse énormément de place à l'automobile. Donc, si on diminue les besoins de l'humain envers l'automobile, à travers justement sa robotisation, mais peut-être qu'on pourra éventuellement réussir à remettre l'humain au cœur de l'aménagement urbain. Et puis là, je vois les vélos qui se promènent. Je me dis, ça serait le paradis des vélos aussi. Et il y a déjà des tendances, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas une fiction non plus excessive, parce qu'on le voit, ne serait-ce qu'ici à Québec, là, de plus en plus, les nouveaux aménagements urbains mettent le piéton, mettent le cycliste, mettent le citoyen au cœur des préoccupations. Donc oui, il y a toujours un gros souci de fluidité automobile, mais il y a une tendance avec des rues conviviales et d'autres comme ça. Et ça, c'est à l'échelle internationale. Donc, cette tendance-là pourrait continuer à s'imposer, pourrait prendre plus en plus de place et pourrait avoir de nouvelles portes ouvertes par justement les nouveaux modes de déplacement pour s'imposer encore plus avant. Alors c'est pour ça qu'on dit oui, c'est des lunettes roses, mais en même temps, c'est pas possible, complètement là. utopiste non plus. Ce que tu dis là, ce que tu décris là, enfin, va dépendre de la technologie numérique et de la capacité à rendre les autos indépendantes. Là, oui, puis de la volonté des gens à profiter de cette opportunité-là, ce qui risque d'être le cas. C'est quoi, la poule ou l'œuf? Qu'est-ce qui vient en premier? Parce que la technologie, elle semble être là, ou en tout cas, elle est peut-être pas au point. La technologie s'en vient, elle n'est pas au point. Il risque d'avoir, en fait, avant les autos, peut-être d'autres types de véhicules qui vont devenir semi-autonomes ou autonomes au niveau de d'autres types de transports, déplacements, avant d'en arriver à l'automobile autonome tel qu'on l'imagine. Mais on n'est pas encore à l'auto électrique. Là, non. L'un n'est pas nécessairement relié à l'autre. Mais on sait, Google, Uber et les autres font des tests. Il y a des éléments qui sont quand même fonctionnels. Le défi, c'est évidemment d'intégrer ces véhicules-là autonomes dans un contexte aussi de conduite où il y a des humains. Ça représente un facteur de risque quand même assez important. Alors, comment ça va coexister? Comment ça va se placer? Donc, ça, il y a encore au moins 5, 10, 15 ans avant que ça se développe plus avant. En termes de perspective urbanistique, ça, faudrait jaser avec un urbaniste, avec un spécialiste, mais on le voit déjà comme citoyen qu'il y a quand même un air de changement dans la manière d'envisager, dans les manières de faire la ville actuellement. Ben oui, ben là, je fais un parallèle, puis ça n'a pas rapport avec ta chronique, mais ce matin, les pharmacies, certaines pharmacies qui veulent humaniser leur commerce, comme Uniprix qui veut faire des pharmacies des lieux de rencontre pour discuter santé. Je me dis, hey, je suis en train de rêver. Là, moi, avec les rues comme ça, c'est merveilleux. On va espérer que de notre vivant, on voit ce genre de ville-là. Ce serait vraiment chouette. Merci beaucoup, Raymond. C'était fort intéressant. Puis on va continuer dans cette voie-là. Moi, j'aime ça le matin. Ça me donne foi en l'humanité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.